Bonsoir. Quand on pense embryogenèse et biologie du développement, ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 penseront au générique d'Il était une fois la vie et de la cellule qui se divise jusqu'à former un fœtus puis un être vivant, ou encore un animal qu'il sorte du ventre d'un mammifère placentaire ou bien d'un œuf. En fait, peu d'entre vous penseront aux plantes qui pourtant elles aussi se développent à partir d'une cellule unique qui se divise pour donner un embryon puis un organisme adulte. Outre le fait qu'on a peut-être là encore un bel exemple de cécité botanique, étudier le développement des plantes est pourtant un sujet fascinant et riche d'enseignements, à la fois d'un point de vue fondamental mais aussi appliqué. Pour explorer ce terrain, nous accueillons ce soir Nathanaël Prunet, chercheur en biologie du développement des plantes et directeur d'un centre de microscopie à UCLA à Los Angeles. Il va nous parler du développement de la fleur, mais aussi des techniques utilisées pour mener à bien ses études, des belles images qui en découlent, de microscopie et de sci-art. Nous sommes le mercredi 3 mars de l'an 2021, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, pour cette émission, nous avons un tour de table assez fourni. Donc nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Nous avons Pascal à la technique depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Perduville. Bonsoir à tous. Nous avons Nathanaël, notre invité, depuis West Hollywood à Los Angeles. Bonsoir. Et moi-même, Alexa, aussi depuis Los Angeles, mais depuis Westwood, une autre partie de Los Angeles donc. Et pour commencer cette émission, je suis ravie d'accueillir Nathanaël Prunet, qui est adjunct assistant professeur et core microscopie directeur à UCLA. Donc tu vas nous expliquer tout ce que ça veut dire, pour nous parler de développement des plantes, des fleurs, et qui va aussi nous montrer de belles images d'art et de microscopie, puisque ce sont aussi tes spécialités. Plutôt que de me lancer dans une longue présentation, parce que en fait on se connaît aussi depuis longtemps, encore une fois depuis l'ENS de Lyon, comme beaucoup de gens qui sont passés par ici maintenant. Je vais te laisser te présenter toi-même. Alors, est-ce que tu peux d'abord brièvement nous parler de ton parcours et des emplois qui t'ont amené à ce poste de professeur ici à UCLA, ce qui est donc l'équivalent, on va dire, un peu de maître de conférence en France et de directeur de centre de microscopie? Oui, alors moi aussi, effectivement, j'ai fait mes études à Normale Sup à Lyon. J'ai fait mon undergrad, enfin ma licence et ma maîtrise, puisque ça s'appelait encore comme ça à ce moment-là, là-bas, en biologie moléculaire et cellulaire. Et puis, après un stage de maîtrise où j'ai passé 2 mois au laboratoire de reproduction et développement des plantes, qui est aussi situé à l'ENS, je suis rentré dans ce développement des plantes. J'ai passé ce stage à étudier la fécondation chez les plantes et à filmer cette fécondation en utilisant des microscopes. Et par la suite, j'ai décidé de faire ma thèse aussi à l'ENS dans ce même institut où j'ai étudié le développement des fleurs. Et puis, après ma thèse, j'ai décidé de faire un postdoc, donc de partir à l'étranger pour ça. Et j'ai passé quelques années d'abord à Dartmouth College dans le New Hampshire, juste au sud du Québec et dans le nord-est des États-Unis. Et après quelques années là-bas, j'ai continué ma recherche à Caltech, à Los Angeles. Et puis, depuis 2 ans, je suis maintenant adjunct assistant professor à UCLA et je suis aussi le directeur d'un centre de microscopie avec des utilisateurs dans tous les champs de la biologie. Voilà, donc t'es passé finalement des plantes, donc avec un parcours classique, thèse, postdoc, comme beaucoup de chercheurs, et puis après devenir professeur, donc ce qui veut dire que t'enseignes beaucoup, et t'enseignes la microscopie d'ailleurs à UCLA, et maintenant tu fais des plantes, mais aussi d'autres choses. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire, c'est que en fait à la fin de mon postdoc, j'ai réalisé qu'en fait la microscopie que j'ai utilisée énormément pendant mon postdoc, c'était quelque chose qui m'intéressait encore plus que ma propre recherche, même si j'aime beaucoup la recherche que je faisais. Mais en fait, j'ai décidé que j'avais envie de prendre un peu un tournant et au lieu de continuer d'essayer de monter mon propre labo de développement des plantes, j'ai voulu faire de la microscopie. Et donc, j'ai pris des cours avancés de microscopie à Cold Spring Harbor et au Marine Biological Laboratory à Woodsall pour me préparer à cette transition. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur d'un centre de microscopie qui sert, encore une fois, à tous les départements de UCLA. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est un profil finalement qui est assez peu classique pour un parcours de chercheur. Enfin, t'as moins de gens qui font ça. Et effectivement, avoir cette expertise en microscopie, on y reviendra plus tard dans l'interview. Ça permet d'avoir, ça te permet d'avoir de faire ces belles images et de pouvoir faire un travail un peu différent qu'effectivement monter un labo et uniquement avoir un laboratoire de recherche. Alors bon, dans cette petite présentation, effectivement, tu nous as parlé donc de ta science d'abord du développement des plantes, de microscopie et des belles images. Et donc c'est parfait parce que ça va être globalement le plan de l'interview et on va d'abord commencer par parler plutôt du développement des fleurs et donc de la recherche que tu as fait avant d'avoir ce poste. Tu as beaucoup travaillé sur le développement des plantes donc et c'est un sujet qu'on a finalement assez peu abordé dans Podcast Science. On a beaucoup parlé des plantes. Mais on a finalement assez peu parlé du développement vraiment des fleurs et de ce genre de choses. Donc tu vas rentrer dans le détail là-dessus. Alors d'abord, la première question que j'ai, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment on étudie le développement des plantes, notamment quelles plantes on utilise, quelles plantes tu as utilisées toi? Si on a aussi un équivalent de la souris chez les plantes, la souris c'est un peu l'animal qu'on utilise pour étudier tous les mammifères et même les vertébrés, quel serait l'équivalent chez les plantes et finalement pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le développement des plantes? Alors quand il s'agit d'étudier les plantes, en fait, pendant longtemps, il y avait beaucoup de modèles différents. C'était pas très homogène, en fonction de l'intérêt des gens, ça pouvait être des espèces horticoles ou des espèces agronomiques. Mais dans les années 80, en fait, il y a un modèle qui s'est imposé en biologie des plantes, c'est le modèle d'Arabidopsis thaliana. C'est une petite plante, en fait, c'est une mauvaise herbe de la famille des brassicacées, donc la même famille que le chou-fleur, la moutarde et tout un tas de plantes qui sont en fait des plantes à utilité agronomique. Et ça s'est vraiment imposé et c'est devenu le modèle principal pendant une bonne trentaine d'années. Mais maintenant, on revient à utiliser plus de modèles différents. Mais ça a été un modèle qui a été extrêmement utile pour comprendre un certain nombre de choses, beaucoup de choses en fait en biologie des plantes et pas seulement en développement. Et donc, Arabidopsis, c'est la plante que j'ai utilisée moi pendant ma thèse et mon postdoc. Et alors, l'intérêt d'Arabidopsis, en fait, il était multiple. D'abord, c'est une plante qui a un petit génome avec seulement 5 paires de chromosomes. Ça a été le premier génome qui a été séquencé chez les plantes. Et le fait d'avoir un petit génome a rendu cette tâche plus facile. Et un autre atout majeur vient du fait que cette plante, en fait, elle est toute petite. Ce qui veut dire qu'on peut en faire pousser plein dans un espace limité. Et en plus de ça, elle a un cycle de développement qui est rapide, c'est-à-dire que si on les pousse un peu entre le moment où on sème les graines et le moment où on récolte les graines de la génération suivante, ça peut prendre aussi peu que 6 semaines. Et donc cet avantage de cette petite taille et de cycle de développement rapide, c'est quelque chose qui est très utile pour la génétique, parce que on utilise beaucoup la génétique pour comprendre beaucoup de phénomènes en biologie. Et quand on fait de la génétique, en fait, on fait des croisements, on a besoin de regarder la première génération après le croisement, la deuxième génération, etc. Et pour faire ça de manière efficace, ça aide vraiment d'avoir un organisme qui se développe rapidement, pour pas perdre de temps à juste attendre que la génération suivante soit générée. Et on a aussi besoin de beaucoup de plants. Donc on peut mettre, en fait, des centaines et des centaines de plantes, voire des milliers de plantes dans une petite chambre de... Et on peut faire ça de manière assez efficace. Alors l'autre question, c'était l'intérêt de comprendre le développement des plantes. Là encore une fois, les plantes sont souvent un peu ignorées et en même temps, 80% de notre alimentation vient directement des plantes. La grande majorité sont les fruits et les graines qui sont des produits des fleurs. Et puis, on considère même les produits animaux. En fait, c'est les animaux que l'on consomme sont nourris avec des plantes. Donc, toute notre alimentation vient directement ou indirectement des plantes. Et comprendre, en fait, comment ces plantes se développent et comment les fleurs se forment, c'est quelque chose qui a potentiellement énormément d'applications en termes de sécurité alimentaire, d'agronomie, etc. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de majeur, et je pense que c'est un aspect que tu expliques bien et qui est pas forcément que les gens ne réalisent pas forcément trop, justement la place des plantes finalement au cœur de beaucoup de choses et à la base de beaucoup de choses. Tu as dit quelque chose qui t'a parlé du fait que Arabidopsis, c'était vraiment une espèce modèle, et tu nous as vraiment bien expliqué pourquoi, parce que c'est un cycle rapide, parce qu'on peut la cultiver facilement. Du coup, je me demandais, en tant que chercheur qui travaille sur les plantes, tu as parlé de chambres de culture, de graines, etc. C'est quoi en fait la semaine type de quelqu'un qui travaille sur le développement d'Arabidopsis? Est-ce que vous avez des serres, donc des graines? Est-ce que tu pourrais nous aider à nous représenter un peu le quotidien d'un chercheur en biologie du développement? Est-ce que tu as une espèce de petit de serre potager où tu récoltes tes graines et après tu les plantes? Comment est-ce que ça se passe? Alors oui, on utilise des serres ou des chambres de culture. L'avantage des chambres de culture, c'est qu'en fait les conditions sont plus contrôlées que dans une serre, parce que dans une serre, même si tu contrôles avec des lampes et avec du chauffage la température et le régime de lumière que les plantes ont, il y a quand même beaucoup d'influence de l'extérieur. Par exemple, entre un hiver et un été, les conditions dans la serre vont vraiment être différentes. Alors qu'en chambre de culture, on peut avoir des conditions qui sont extrêmement stables. Et ça permet de ne pas avoir de problème d'environnement et de variation environnementale qui affecte le développement des plantes qu'on étudie. Quand il s'agit de s'occuper de ces plantes, effectivement, le quotidien d'un chercheur en biologie végétale implique beaucoup de jardinage, en fait, si je puis dire. Moi, j'étudiais les fleurs, le développement des fleurs, et donc toutes les semaines, j'avais besoin d'avoir un certain nombre de plantes qui étaient en train de fleurir pour que je puisse faire les expériences que je voulais faire. Et donc pour ça, il faut s'assurer qu'on ait un stock de plantes toujours à tous les stages de développement. Comme ça, il y a toujours des plantes qui sont prêtes, mais ça veut dire que toutes les semaines, toutes les deux semaines, il faut se forcer à semer des plantes. Et puis, alors le cycle à travers lequel on va avec ces plantes, c'est qu'elles vont, on les sème d'habitude sur des boîtes de pétri avec un milieu de croissance et potentiellement une sélection. Ensuite, après à peu près deux semaines, quand les plantules, après la germination, quand les plantules ont à peu près deux, trois feuilles, on les transplante dans des pots avec du terreau. Et après ça, il y a différentes solutions pour les faire pousser. Soit on est pressé d'avoir la génération suivante, on veut juste les graines. Et du coup, on va les mettre dans des chambres de culture avec des jours longs ou des jours continus pour qu'elles fleurissent rapidement. Moi, je faisais beaucoup de microscopie. Et pour faire ça, j'avais besoin d'avoir des plantes qui étaient vraiment robustes. Et pour ça, c'est mieux de les faire pousser pendant trois semaines après le repiquage dans des conditions de jours courts où elles vont juste faire des feuilles et elles vont pas fleurir. Et ensuite, on les transfère dans des chambres de culture avec des jours longs ou des jours continus, ce qui induit la floraison. Mais à ce stade-là, on a des plantes qui sont vraiment en forme, quoi, avec des tiges épaisses qui facilitent la microscopie et la dissection des plantes pour les expériences que je fais derrière. Et donc, en quelque sorte, et puis après ça, il faut aussi récolter les graines régulièrement parce qu'on fait de la génétique. Et donc, en fait, mon quotidien de biologiste végétal, ça a été beaucoup de jardinage ou de micro-jardinage. J'ai un ami qui, quand je lui expliquais ce que je faisais, qui m'a dit qu'en fait, j'étais un microscopic farmer, donc un fermier microscopique, puisque je m'occupais de ces plantes tout le temps et je faisais des images de ces plantes avec des microscopes. D'où ton surnom Instagram, Microscopic Farmers. Exactement. Alors j'avais du coup tu nous as déjà dit qu'on avait d'autres plantes comme modèle, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. Je pense que on peut enchaîner sur justement tu viens de nous parler de ton quotidien de chercheur en biologie végétale. C'est le moment de parler maintenant de ta recherche spécifiquement. Tu as travaillé sur le développement de ce qu'on appelle le méristème floral, donc le développement des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un méristème et comment une fleur se développe? Est-ce qu'on a des moments clés, des étapes clés pour le développement d'une fleur? Alors, il y a vraiment une grosse différence entre le développement des plantes en général et le développement des animaux. Pour le grand nombre d'espèces animales, en fait, la grande majorité du développement se passe au niveau embryonnaire et tous les organes de l'organisme sont présents à la naissance ou à l'éclosion, dépend de l'espèce qu'on considère. Chez les plantes, c'est assez différent parce que le développement embryonnaire produit juste une toute petite plantule qui n'a pas de racines, qui n'a pas de tiges et qui n'a pas de feuilles. Et toutes ces structures qui sont ce qu'on associe avec les plantes, en fait, elles sont produites de manière post-embryonnaire. Et c'est produit par des structures qui sont situées à l'extrémité de la tige et de la racine qu'on appelle des méristèmes. C'est en fait un dôme de cellules indifférenciées avec une petite population de cellules souches au centre. Et en fait, ces cellules indifférenciées se divisent et ça produit de nouvelles cellules qui sont utilisées pour produire les organes de la plante, donc la tige, les feuilles, etc. Et au centre, les cellules souches se divisent pour réapprovisionner en fait le méristème en cellules indifférenciées. Et donc, c'est ces méristèmes qui sont responsables de la production de la totalité des organes adultes de la plante. Et pour la partie aérienne, on a le méristème apical collinaire, le méristème de la tige. Et il produit, en fait, ce méristème produit de nouvelles structures de manière régulière. C'est un peu en forme de module. Donc, ça produit un bout de tige avec au sommet une feuille sur le flanc. Et à l'aisselle de la feuille, il y a un autre méristème. Et ce méristème peut soit rester dormant pendant un moment, soit se développer, et dans ce cas-là, ça produit une nouvelle branche. Ça, c'est ce qui se passe pendant la phase végétative du développement de la plante. Mais il y a une décision importante pour la plante à faire, quand les conditions sont favorables, c'est de fleurir et de se reproduire. Et à ce moment-là, le méristème de la tige change d'identité. Il devient un méristème d'inflorescence. Et au lieu de produire des feuilles et un autre méristème de tige sur son flanc, il va produire un méristème floral avec souvent une bractée qui ressemble à une feuille qui est juste à la base de la fleur. Et ce méristème floral, au lieu de former une branche, en fait, va former toutes les parties qui composent une fleur, donc les sépales, les pétales, les étamines et puis le pistil au centre. Et du coup, quand tu dis que on a la transition, du coup, si pour résumer ce que tu as dit, en fait, une fois que la plante décide de faire une fleur, ce méristème ne fera plus jamais de tige. Alors, le méristème au bout de la tige continue à produire de la tige, mais sur les flancs, au lieu de produire des méristèmes identiques à lui-même, il produit ces méristèmes floraux qui forment des fleurs. D'accord, et qui est donc voilà le moment où les fleurs se forment. Un autre truc sur donc ces méristèmes floraux et leur différence avec le méristème de la tige. En fait, c'est d'abord effectivement le méristème de la tige produit des feuilles et de la tige. Le méristème floral produit les organes floraux, donc sépales, pétales, étamines et pistils. Mais il y a une autre différence, c'est que encore une fois, ce méristème, que ce soit le méristème de la tige ou le méristème de la fleur, contiennent une petite population de cellules souches. Et la grosse différence, c'est que le méristème de la tige, en fait, ces cellules souches sont maintenues toute la durée de la vie de la plante, et donc on a une croissance continue tout le long de la vie de la plante. Par contre, dans le méristème floral, les cellules souches sont maintenues de manière temporaire, le temps de former les différentes parties de la fleur, et au moment où le pistil commence à se former, en fait, ces cellules souches se différencient et sont incorporées dans le pistil. Et donc, on a une croissance, un patron de croissance qui est beaucoup plus réduit dans le temps. Oui, donc c'est très intéressant parce que d'un côté, on a quelque chose qui peut croître, entre guillemets, indéfiniment, enfin en théorie, et de l'autre, on a vraiment une action un peu terminale pour faire les fleurs. Et c'est quelque chose de très important, en fait, parce que le pistil qui est au centre de la fleur, c'est ce qui va contenir les ovules, et après pollinisation et fécondation, ces ovules se transforment en graines et le pistil se transforme en fruit. Et en fait, si les cellules souches continuent à fonctionner, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant ma thèse, on a un problème où au lieu d'avoir un fruit qui contient ces graines, en fait, on a des organes floraux qui continuent à se former au sein du fruit, ce qui généralement affecte le développement des graines de manière négative. Et dans les cas extrêmes, on peut avoir ce phénotype où en fait le fruit s'ouvre et on a une tige qui sort de ce fruit avec de nouveaux pétales, de nouvelles étamines et de nouveaux pistils et qui continuent à pousser pendant un temps indéterminé. Est-ce qu'il y a un problème si on veut faire des fruits et après, j'imagine, des graines? Alors justement, là, tu nous as parlé de différentes étapes du développement de la fleur. Est-ce qu'on obtient des fleurs différentes dans la nature si on s'arrête à l'une ou l'autre de ces étapes? Alors, effectivement, il y a quelques étapes critiques. Et la première, c'est la décision de la plante de fleurir. Et donc, de changer l'identité de ses méristèmes. Et ce qui veut dire que les méristèmes qui sont formés sur les flancs de la tige vont être des méristèmes floraux plutôt que des méristèmes de tige. Et il y a un certain nombre de gènes qui sont importants pour ça et qui répondent aux conditions de l'environnement, particulièrement la température et la durée des jours. Et en réponse à ça, ces gènes vont être exprimés et vont transformer ces méristèmes en méristèmes de fleurs plutôt que de méristèmes de tige. Et alors, si ces gènes qui sont importants pour déterminer l'identité des méristèmes de fleurs sont mutants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des plantes qui ne font pas vraiment de fleurs et qui ont des méristèmes qui ne savent plus trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou s'ils sont des méristèmes de tiges. Et c'est par exemple ce qui arrive avec le chou-fleur, en fait. Le chou-fleur, c'est la même famille qu'Arabidopsis, c'est assez proche. Et chez Arabidopsis, si on a deux gènes qui sont mutés, un qui s'appelle Leafy et l'autre qui s'appelle Cauliflower, qui est chou-fleur en anglais, en fait, Arabidopsis se transforme en un micro-chou-fleur, qui ressemble vraiment à un chou-fleur, juste en étant plus petit, parce que c'est plus petit que le chou-fleur de l'espèce chou-fleur. Et c'est dû au fait que, en fait, ces méristèmes floraux se comportent encore un peu comme des méristèmes de tige, et qui continue à brancher indéfiniment. Donc on a cette structure qui croît, pour former cette espèce de gros tas de méristèmes qui savent pas trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou des méristèmes de tiges. C'est ça, la partie qu'on mange chez le chou-fleur. Et d'ailleurs, j'ai une collaboration avec le labo de François Parcy à Grenoble, qui cherche à comprendre comment ces chou-fleurs se forment. Et bon, c'est leur projet, mais je fais de l'imagerie pour eux. On essaie de comprendre comment ça marche, en fait. Donc en fait, quand on mange du chou-fleur, on mange des méristèmes. C'est ça. Quand on mange beaucoup de choux, on mange des méristèmes. Quand on mange des choux de Bruxelles, c'est aussi des méristèmes. Le brocoli, le romanesco, tout ça, c'est des gros tas de méristèmes. Des gros tas de méristèmes. C'est bien. On a des questions dans la chatroom. Un auditeur qui a une question nous demande « Ovule des humains », en anglais, ça se dit « egg », si je ne me trompe pas. Les ovules des pistils, est-ce que ça se dit aussi « egg » en anglais? Alors, non. Les ovules des plantes, c'est assez différent de l'ovule des humains ou des animaux en général. L'ovule chez les animaux, c'est une seule cellule qui va fusionner avec un spermatozoïde pour donner un embryon. Chez les plantes, en fait, l'ovule, c'est une structure plus complexe qui est composée de nettement plus de cellules. Et à l'intérieur, il y a une cellule qu'on appelle egg cell, en anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle en français parce que je perds mon français. Mais cette cellule, en fait, ce serait l'équivalent de l'ovule chez les animaux. C'est cette cellule qui va fusionner avec un gamète mâle pour former un nouvel organisme. D'accord, donc c'est pas exactement la même chose. On a une autre question d'un auditeur. Quand vous offrez des fleurs, vous offrez quoi préférentiellement? Des roses comme nous autres ou des Arabidopsis? C'est quoi tes fleurs préférées pour offrir? Alors, un bouquet d'Arabidopsis, ce serait pas très gros. Cela dit, en plus, Arabidopsis, c'est quand même pas la fleur qui est la plus jolie. Les brassicacées, la famille du chou, il y en a plein. C'est généralement des fleurs simples avec juste 4 pétales, blancs ou jaunes, pas forcément très colorés. Cela dit, il y a beaucoup de mutants dans des gènes qui sont importants pour la formation de la fleur, qui vont affecter ce à quoi ces fleurs ressemblent. Et notamment, il y a un gène qui est important pour la formation des étamines et du pistil, et qui est aussi important pour arrêter les divisions des cellules souches dans la fleur, qui s'appelle agamous. Et quand dans ce mutant agamous, au lieu d'avoir au centre de la fleur des étamines et des pistils, ce qui se passe, c'est que les étamines se transforment en pétales, et au lieu d'un pistil, il y a une nouvelle fleur qui se forme dans la fleur, et ce qui forme au final une fleur qui est pleine, qui fait des centaines et des centaines de pétales au lieu de juste quatre. Et du coup, c'est ces fleurs doubles qui sont, quoique petites, elles sont tout à fait jolies à regarder. Et d'ailleurs, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a sélectionné, en fait, en horticulture pendant des siècles, des fleurs ornementales avec plus de pétales. La plupart des roses qu'on regarde, les roses qu'on fait pousser, ont souvent énormément de pétales, alors que les roses sauvages ont seulement 5 pétales. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce gène agamous, son expression est modifiée dans les variétés de roses à fleurs doubles qu'on a sélectionnées avec le temps. Donc, en étudiant ces petites Arabidopsis, on comprend un peu comment ces fleurs ornementales qu'on a choisies se sont développées et comment on les a sélectionnées. Donc on a vraiment en fait sélectionné des mutants naturels des gènes du développement de la fleur. Et personnellement, je préfère les lisses. Et si je peux me permettre une question, pardon, hein, je m'étais jamais posé cette question-là avant, mais tu parlais des choux qui sont des... des méristèmes et des méristèmes et des méristèmes, c'est-à-dire qu'en gros c'est des tiges, c'est des fleurs, on sait pas bien à chaque fois, mais t'as mis les choux de Bruxelles dedans, qui par rapport aux choux-fleurs, aux autres que t'as cités, enfin je vois deux familles assez nettes quoi, genre les choux verts, les choux rouges et tout ont pas du tout la même tête, c'est que des feuilles, ça donne l'impression en tout cas pour un profane comme moi que c'est que des feuilles et que c'est pas du tout que des tiges comme les brocolis, choux romanesco, choux-fleurs, tout ça. Oui, non. Absolument. Si on regarde le chou-fleur, le brocoli ou le romanesco, ce qu'on mange, c'est vraiment une accumulation de méristèmes qui ne produisent pas de feuilles ou d'organes floraux. Par contre, si on regarde un chou de Bruxelles, en fait, ce qu'on mange, c'est un méristème qu'on appelle un méristème axillaire, donc ceux qui se forment sur le côté de la tige. Mais en fait, c'est un méristème qui s'est pas encore allongé, donc il n'y a pas vraiment de tige, mais il y a plein de feuilles. Les feuilles à l'extérieur sont les feuilles un peu plus âgées, puis jusqu'au centre, si on coupe un chou de Bruxelles en deux, ce qu'on fait souvent quand on les fait cuire pour les faire sauter, en fait on fait une coupe et on voit toutes les feuilles de plus en plus jeunes jusqu'au centre, et au centre on a coupé en plein milieu du méristème en fait. Mais c'est un méristème de tige et pas un méristème de fleurs. Et du coup, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, là, je trouve, c'est qu'on voit vraiment à quel point, en jouant finement sur les différentes étapes du développement, on peut avoir vraiment des phénotypes, enfin des visuellement, en fait, un résultat vraiment très différent en fonction de là où on s'arrête. Et ce qui, je trouve, est très intéressant pour comprendre le développement en général, et aussi ça montre d'un point de vue évolutif que finalement l'évolution peut sélectionner de s'arrêter à différentes étapes pour avoir différentes plantes à la fin, quoi, différents phénotypes. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut justement continuer sur ton travail de thèse spécifiquement. Tu as travaillé notamment sur, et de postdoc aussi, tu as travaillé sur deux gènes justement qui contrôlent le développement, ces mécanismes de développement de la fleur. Apetala 3, donc Apetala, Apetal, on peut voir un peu le lien. Et aussi, tu as travaillé sur Superman. Alors, ça m'intrigue un peu plus ce nom de Superman pour le développement des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à ces gènes-là et quels sont leurs rôles dans le développement de la fleur ? Alors, quand on considère le développement de la fleur, en fait, il y a trois groupes de gènes qui sont importants pour déterminer l'identité des différents organes floraux. Donc, si on regarde une fleur, on a quatre types d'organes qui sont positionnés sur des anneaux, en fait, qu'on appelle verticilles. Il y a les sépales à la périphérie, qui sont les organes verts qui couvrent la fleur avant qu'elle s'ouvre. Ensuite, les pétales, puis les étamines, qui sont les organes mâles, qui forment le pollen. Et puis au centre, on a le pistil, qui contient des ovules et qui se transforme en fruits après fécondation. Et en fait... l'identité de ces quatre types d'organes est déterminée par trois groupes de gènes qu'on appelle les gènes de classe A, B et C, Et en fait, les gènes de classe A sont importants pour la formation des sépales et des pétales, les gènes de classe B pour la formation des pétales et des étamines, et puis les gènes de classe C pour la formation des étamines et des carpelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les sépales, on a juste les gènes de classe A, et c'est ce qui forme les sépales. Dans les pétales, on a les gènes de classe A et les gènes de classe B ensemble. Dans les étamines, on a les gènes de classe B et les gènes de classe C ensemble. Et puis dans le pistil, on a uniquement les gènes de classe C. Et donc, quand on mute certains de ces gènes, tout d'un coup, on a des transformations de certains organes en un autre type d'organe, parce qu'on n'a plus les gènes qu'il faut pour déterminer la bonne identité. Et notamment, j'ai beaucoup étudié pétale A3 parce que c'est un gène qui est important pour la formation, c'est un gène de classe B, donc important pour la formation des pétales et des étamines. Et quelque chose qui m'a intéressé particulièrement dans mon postdoc, c'est comment, en fait, on établit les frontières entre ces différentes parties de la fleur. C'est-à-dire qu'on a ces gènes qui doivent être exprimés de manière très précise dans deux verticilles adjacents. Et comment, en fait, l'expression de ces gènes est maintenue dans ces régions où elles doivent être maintenues. Et je me suis particulièrement intéressé à la frontière entre les étamines, donc la partie mâle de la fleur, et le pistil, la partie femelle. Et il y a un gène qui semblait, qui a été identifié il y a presque 30 ans maintenant, qui s'appelle Superman. Et alors, ce qui se passe pour ce gène Superman, en fait, en biologie des plantes, on a une habitude qui est de nommer les gènes en fonction de ce à quoi la plante ressemble quand le gène est muté. Et donc, dans le mutant Superman, quand le gène Superman n'est pas fonctionnel, ce qui se passe, c'est que les fleurs produisent beaucoup d'organes mâles. Normalement, une fleur d'Arabidopsis a 6 étamines. On peut en avoir jusqu'à 25 ou 30 dans le mutant Superman. Donc, énormément d'organes mâles. Et puis, la partie femelle est soit réduite, soit manquante. Donc, c'est pour ça, beaucoup d'organes mâles, pas d'organes femelles. On a appelé ce mutant Superman. Et en fait, pendant ma thèse, je m'intéressais à l'arrêt des cellules souches dans la fleur. Et ce gène Superman était toujours un petit peu à la limite de ce que je faisais. Parce qu'en fait, dans le mutant Superman, on fait au final nettement plus d'organes floraux que chez les plantes sauvages, chez les plantes normales. Et j'ai toujours pensé que c'était lié à un problème de cellules souches. Et en fait, il y a eu deux modèles pour expliquer ce qui se passait chez ce mutant. Pourquoi on a beaucoup plus d'étamines et pourquoi on a moins de carpelles, de pistils. Et en fait, la première hypothèse, c'était que les gènes de classe B, comme APETALA3, qui normalement sont exprimés dans les étamines, mais pas au centre de la fleur où le pistil se forme, devenaient exprimés au centre de la fleur, ce qui fait qu'au lieu de faire un pistil, on faisait des étamines. Mais le fait qu'on ait beaucoup plus d'organes au final que dans une fleur normale suggérait pour moi que aussi, ça voulait dire que les cellules souches florales étaient maintenues plus longtemps que dans une fleur normale. Et après ça, il y a d'autres chercheurs qui ont proposé une autre hypothèse qui était de dire, en fait, ce qui se passe dans le mutant Superman, c'est que la balance de division cellulaire entre la portion de la fleur qui forme les étamines et la portion qui forme le pistil est affectée, et qu'on a beaucoup plus de division dans la partie qui forme les étamines, c'est pour ça qu'on a plus d'étamines, et au contraire, des divisions cellulaires réduites au centre de la fleur, donc on a un pistil qui est réduit ou manquant. Et j'ai jamais été très convaincu par cette deuxième hypothèse qui était devenue un peu l'hypothèse mainstream, alors que je trouvais que dans la littérature il n'y avait pas vraiment de preuves pour ça. Et ça m'a poussé à la fin de ma thèse à me dire que j'avais envie de comprendre ce qui se passait chez ce mutant Superman et comment cette frontière en fait entre les étamines et le pistil était établie. Et j'ai la raison pour laquelle en fait pendant plus de 25 ans avant que j'ai commencé à travailler sur Superman, on ne savait pas vraiment lequel de ces deux modèles était vrai. C'était en grande partie parce qu'on n'avait pas vraiment les yeux pour regarder ce qui se passe. Et au cours des 20-30 dernières années, en fait, la microscopie a connu une explosion de nouvelles technologies qui nous a donné les outils, en fait, les moyens d'essayer de répondre à cette question. Et j'ai décidé pour ça d'utiliser la microscopie confocale pour essayer de comprendre ce qui se passait chez ce mutant Superman. Alors justement, la microscopie confocale, tu vas nous en parler un peu plus loin. On en a abondamment, on a des épisodes du podcast dont on mettra les numéros dans les notes d'émission, sur lesquels on a parlé de microscopie confocale, de microscopie biphotonique, et Irène a fait toute une émission sur la microscopie aussi, si c'est des sujets qui vous intéressent. Et Léa, t'avais une question. Ouais, j'ai une remarque. En fait, c'est vrai que le modèle ABC, là, comme ils l'appellent, c'est un peu le modèle qui est utilisé pour expliquer le développement floral. Je crois que récemment, ils ont rajouté d'autres classes de gènes encore. Ça va jusqu'à eux maintenant. Oui, en fait, il y a d'autres gènes. Il y a une classe E qui a été rajoutée après. Et en fait, ces gènes n'ont pas été identifiés directement parce que, en fait, il y a une grande redondance. C'est une série de quatre gènes qui ont la même fonction, et donc s'il en manque un, s'il en manque deux, il se passe rien. Et à partir de trois ou quatre qui sont tous mutés, là, tout d'un coup, on a un phénotype. Et si tous les gènes E sont mutés, en fait, toutes les parties de la fleur sont transformées en feuilles. Donc, et ces gènes, en fait, forment des complexes. Les protéines codées par ces gènes sont tous des facteurs de transcription, forment des complexes protéines ensemble et régulent, en fait, l'expression des gènes nécessaires pour faire les sépales, les pétales, les étamines. Maintenant, on parle de quartet modèle, où en fait, on a ces complexes de quatre transcriptions facteurs qui sont différents dans chacun des types d'organes floraux. Donc, les transcriptions facteurs, c'est juste pour expliquer rapidement ce que c'est donc des petites protéines qui vont se mettre sur l'ADN et qui vont activer des gènes précis. Et c'est une classe, en fait, de gènes qui est très, très importante pour la biologie du développement et qui, bon, c'est actif toute la vie. Hein. On a des transcriptions facteurs qui activent des gènes précis sur l'ADN tout le temps. Mais au cours du développement, particulièrement, ça change énormément puisque ce sont eux, en fait, qui sont un peu les interrupteurs des gènes dans les cellules. Donc, quand on a une cellule qui passe d'un état cellule souche, par exemple, à un état plus différencié, on a typiquement le nombre de ces interrupteurs, ces transcription factors qui changent tout au long de la différenciation de la cellule pour justement changer l'expression des gènes qui la caractérisent. Et d'ailleurs, Superman est aussi un facteur de transcription. Ouais. Mais au lieu d'activer certains gènes, c'est un répresseur, donc il réprime des gènes, il les empêche d'être activés. Voilà, donc on a vraiment cette notion d'interrupteur avec donc des interrupteurs positifs et des interrupteurs négatifs, donc des répresseurs qui éteignent en fait vraiment l'expression des gènes. Justement, du coup, ça m'amène à ma question suivante. T'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut utiliser justement ces interrupteurs positifs, négatifs pour modifier génétiquement des fleurs pour, je sais pas, créer des nouvelles variétés, que ce soit ornementales ou en agriculture d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, et en fait, faire des organismes génétiquement modifiés, c'est quelque chose qui est relativement récent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis des siècles et des siècles, on a sélectionné des espèces agronomiques ou des espèces horticoles en fonction des avantages qu'elles présentaient, donc des fleurs avec plus de pétales ou des espèces avec des fruits plus gros. C'est ce genre de choses qu'on a sélectionné depuis très longtemps. Et en fait, ce qui se passe dans ces espèces qu'on a sélectionnées, c'est que ce sont des mutants, des mutations qui sont arrivées de manière spontanée et qui ont conféré aux plantes un avantage à nos yeux et que du coup, on les a sélectionnées pour utiliser ces mutations, même si on ne savait pas ce qui se passait derrière. Donc le problème quand on fait ce genre d'approche, une approche classique de sélection végétale, c'est que ça prend beaucoup de temps. D'abord parce qu'on s'intéresse à des mutants qui apparaissent spontanément, donc c'est rare. Et au final, c'est des choses qui ont pris très longtemps d'avoir les espèces qu'on a actuellement. Mais même si on regarde encore il y a une centaine d'années, les fruits que les gens mangeaient n'étaient pas du tout de la même qualité que ce qu'on peut manger maintenant. L'avantage de faire des OGM, c'est que on n'a pas besoin d'attendre que les mutations arrivent. On peut aller directement rajouter des gènes ou modifier des gènes dans la plante dont on sait ce qu'ils vont faire. Donc, on peut produire, par exemple, des tomates avec des fruits plus gros ou ce genre de ça, ou des plantes qui sont plus résistantes à un insecte qui les mange et qui affecte nos récoltes, par exemple. Et bon, je sais que, et particulièrement en France, il y a beaucoup de résistance vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés, mais cette réticence n'est pas vraiment justifiée. Avec les OGM, on peut faire des trucs absolument fantastiques, on peut faire des trucs moins bien. Ça dépend vraiment de la façon dont qu'on design ces OGM. Après ça, le fait, c'est que la majorité des OGM sur le marché sont aussi produits par des grandes compagnies internationales, comme Monsanto, par exemple, et que forcément, ce qui se passe, c'est que ces OGM sont souvent produits, enfin, sont toujours produits dans une optique, dans ce cas-là, capitaliste, où ce qui est important, c'est de gagner de l'argent, ce qui est normal, les compagnies ont besoin de gagner de l'argent pour continuer à fonctionner, mais quand c'est la principale considération qu'on a, forcément, c'est pas forcément on ne produit pas forcément des OGM qui sont les meilleurs pour la société et pour ce qu'on veut en faire. Mais il y a aussi des gens qui produisent des OGM qui sont précisément faits pour bénéficier à la société. Par exemple, je pense au riz doré qui contient des carotènes, ce sont des pigments jaunes, orange, qui sont normalement pas dans le riz. Et dont beaucoup de populations dans un certain nombre de pays manquent de ces carotènes, c'est important. Est-ce que c'est la vitamine A, c'est important pour la vision notamment. Et du coup, ces carences en carotènes produisent des problèmes oculaires et des problèmes de vision. Et en fait, bah, en formant ce riz doré qui contient des carotènes dans des populations qui mangent énormément de riz, c'est une façon de remédier à ces carences et d'éviter ces problèmes de cécité qui étaient causés par le fait de ne pas avoir assez de carotène dans son alimentation. Alors, on a des questions dans la chatroom, justement, par rapport aux qualités. Alors là, tu nous parles des OGM, et effectivement, il y a le riz doré, c'est un bel exemple, et il y en a plein d'autres, d'ailleurs, aussi. Mais par rapport à ce que tu as dit sur la qualité des fruits, qui, à l'époque, n'avaient pas la même qualité que maintenant, il paraît, donc on a un auditeur qui nous dit qu'il y avait des ordres de grandeur de vitamines dans les pommes de 1900 et que maintenant elles ont des ordres de grandeur de plus de sucre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors pour les vitamines, honnêtement, je ne sais pas. Pour le sucre, c'est sûr. La plupart des fruits qu'on a maintenant contiennent plus de sucre qu'ils n'en contenaient avant parce qu'en fait, c'est souvent ça a été sélectionné pour le goût et que les gens aiment bien leurs fruits sucrés. Il y a aussi, d'un autre côté, on produit des... En fait, je pense particulièrement aux tomates. Hein. Je n'achète quasiment jamais de tomates au supermarché parce que je trouve que ça, c'est de la flotte et ça goûte rien. Je parle comme un Québécois. En fait, c'est parce qu'on a sélectionné ces tomates en fonction de la taille, de la couleur. On voulait qu'elles soient bien rouges, qu'elles soient appétissantes. On les a aussi sélectionnées pour pouvoir se garder sur les comptoirs des grands magasins pendant un temps prolongé sans pourrir. Mais souvent, ces sélections ont été faites à défaut du goût, en fait. Et c'est vrai qu'avec c'est aussi la société, le modèle de société dans lequel on vit, avec la production de masse, etc. Du coup, on a beaucoup de variétés de tomates qui étaient plus anciennes, mais pas forcément aussi faciles pour les grosses productions à utiliser, et qui avaient souvent honnêtement plus de goût aussi que ce qu'on utilise. C'est pour ça que je préfère faire pousser mes propres tomates plutôt que de les acheter au supermarché. Mais on peut aussi utiliser les organismes génétiquement modifiés pour produire des tomates qui ont meilleur goût. Et par exemple, l'exemple du tomasil, c'est la jonction de tomato et basil, donc tomate et basilic en anglais. Et en fait, il y a un groupe de chercheurs qui a produit ces tomates et qui les ont génétiquement modifiées, ces tomates, pour qu'elles produisent les composés aromatiques du basilic. Du coup, on a des tomates qui... On n'a pas besoin de mettre de basilic avec. C'est plus un exemple marrant, dans mon opinion. Mais un exemple encore qui montre qu'on peut faire tout un tas de trucs vraiment différents avec les OGM et qu'il y a des utilisations qui peuvent être absolument bénéfiques. Ouais, il me semble juste sur cette histoire de baisse de qualité nutritionnelle que ce débat-là avait été relancé par un documentaire de France 2 où il disait que il y avait 100 fois moins de vitamine C maintenant dans les pommes, que c'était catastrophique et tout. Et je crois que ça a été fact-checké justement par l'INRA et que il y a des modifications, mais qui sont pas forcément ni dramatiques ni de cet ordre-là. Par exemple, je crois qu'ils avaient montré que dans le blé et le chou, par exemple, il y avait maintenant plus de protéines parce qu'on avait sélectionné des variétés qui avaient plus de protéines et que au contraire beaucoup de légumes du coup qui sont produits comme des légumes produisaient moins de sucre actuellement. Donc il y a eu des sélections, mais c'est pas aussi dramatique que ce qui avait été annoncé dans le documentaire. Faudrait que je retrouve les sources de fact-checking, mais Je ne pense pas non plus que les problèmes de avoir moins de vitamines dans notre alimentation, je ne pense pas qu'on ait vraiment de problèmes de déficience en vitamines, en tout cas dans les pays développés. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème. Plus de sucre dans les fruits, ça c'est quelque chose d'absolument certain. Et du coup, on a une question un peu liée à ça qui était aussi, comment juge-t-on de la qualité des aliments passés et présents ? J'imagine on fait des mesures. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'une partie, c'est qu'est-ce qu'on aime manger, quelque part. Ça, c'est une partie de la qualité. Et encore une fois, on a beaucoup sélectionné certains fruits et légumes sur des qualités visuelles, souvent au détriment du goût. C'est encore un truc que j'ai pensé avec la tomate. Mais encore une fois, comme la qualité des aliments, il y a le point de vue nutritionnel, le point de vue du goût. Et puis il y a aussi le point de vue des gens qui produisent ces aliments, ouais, qui sont tous pris en compte là-dedans. En fait, je pense que tant qu'on a une alimentation équilibrée, ça reste relativement facile d'avoir les nutriments dont on a besoin dans notre alimentation. Et on a une autre question aussi d'un auditeur sur le riz doré qui nous demande, est-ce qu'il est open source ? J'imagine que l'idée, c'est est-ce qu'on peut le reproduire ou est-ce qu'il faut, comme je sais que des grands scandales de Monsanto, ça tu l'as bien dit, c'est que on a ce côté un peu des fois capitalisme derrière et qui fait que les semences qu'on achète à Monsanto sont stériles et donc on est obligé d'en racheter tous les ans pour refaire les mêmes cultures. Est-ce que c'est le cas pour le riz doré ou pas ? Alors, il me semble que l'idée du riz doré, c'était vraiment une idée pour faire bénéficier les pays et les populations qui manquent de carotène. Et c'était pas spécialement un produit pour gagner de l'argent. Il me semble que les gens qui ont développé ça n'appartiennent pas à une grosse compagnie. Et donc, je pense que c'est libre. Je pense pas que ce soit encore très répandu, cela dit. Mais à vérifier. À vérifier, ouais. Ouais, le riz doré, il me semble qu'il est libre et pas stérile. Oui, il me semble aussi. Oui, ça ferait du sens vu la mission un peu humanitaire qu'on a derrière. Et on a une autre question aussi, qui est, je pense, liée à ce que tu as dit sur les méristèmes, etc. Dans le développement des plantes en lien avec les maths, on cite toujours l'exemple des feuilles qui s'orientent autour de la tige pour optimiser l'espace et la capture de la lumière. Auriez-vous un autre exemple où des plantes s'organisent grâce aux maths ? Alors, il mentionne l'histoire du tournesol et du nombre d'or. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Alors, là, on parle de quelque chose qu'on appelle la phyllotaxie. C'est comment les feuilles ou les fleurs sont organisées autour ou au sommet de la tige. Et c'est, à ma connaissance, le principal point où, effectivement, il y a ces séries mathématiques qui régulent la façon dont le méristème produit des feuilles ou des fleurs. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit comme ça. Après ça, s'organiser en utilisant les maths, au final, on peut approcher beaucoup de problèmes de biologie d'un point de vue quantitatif en utilisant des maths et en faisant de la modélisation. Et c'est quelque chose qui est utilisé notamment pour le développement des tiges et des fleurs. En essayant de comprendre, d'appliquer un certain nombre de règles qu'on détermine à partir d'expériences biologiques et d'essayer de former un modèle en implémentant ces règles dans le modèle pour voir si ça reproduit la croissance des tiges et des fleurs de la même façon qu'on l'observe dans la nature, en fait. Et pour ce genre d'études, effectivement, on vous renvoie à l'épisode sur les règles des êtres vivants, comment on fait un être vivant, un épisode dans lequel j'avais parlé justement des modèles de Turing et de pas mal de prédictions qu'on a. C'est un peu la même chose finalement que tu dis ici pour les plantes, c'est vraiment cette idée qu'on peut, en utilisant des formules mathématiques et des modèles, prédire ce qui se passe au niveau du développement et de l'organisation des plantes. Si je me permets, tu te fais de la pub, je me fais la mienne. Vas-y. Dans l'émission Radio Destinée, je l'avais un peu fait vite parce que c'était juste une petite chronique de 5 minutes, mais j'avais tenté en 5 minutes d'expliquer pourquoi effectivement la suite de Fibonacci, le nombre d'or, apparaissait dans les tournesols et les pommes de pin. Et effectivement, c'est une simple question de... Ça me dérange toujours de dire que les plantes font des maths ou des formules comme ça. C'est bêtement une histoire d'optimisation. On ne s'étonne pas que les troncs des arbres soient globalement grossièrement cylindriques, parce que ça nous paraît une forme naturelle, mais de la même façon, c'est une façon très naturel d'optimiser quelque chose, quoi. Et qui tient aussi, on peut parler aussi de l'épisode qu'avait fait Arthur Bichot, aux forces simplement physiques qui se passent dans les cellules aussi, qui, où c'est montré que finalement, ben, tout ça, ça répond à des formules mathématiques également, juste parce que c'est de la physique, tout simplement, et qui permet d'expliquer aussi ce qu'on retrouve. Alors, avant de passer à la microscopie, Nad, je voulais te demander quel est le futur de toute cette recherche. Qu'est-ce que tu voudrais chercher, toi, sur le développement des fleurs, si tu faisais encore ça comme activité principale? Alors, ce qui s'est passé un peu ces dernières années, c'est qu'il y a un retour à de nombreux modèles qui sont souvent plus des modèles horticoles ou agronomiques, parce que forcément, on a maintenant, avec Arabidopsis, développé une connaissance du développement des plantes qu'on voudrait pouvoir étendre à des espèces qui sont plus directement utilisées par l'homme pour, encore une fois, l'alimentation ou l'horticulture. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais maintenant, il y a quand même un grand retour, et particulièrement, ça devient relativement difficile, en tout cas aux États-Unis, d'obtenir des financements pour faire de la recherche sur Arabidopsis, qui, je pense, est un peu de la vision à court terme, parce qu'on a encore énormément de choses qu'on puisse apprendre sur Arabidopsis. Et en particulier, Arabidopsis, c'est un autre grand avantage sur souvent ces espèces agronomiques, c'est qu'Arabidopsis, c'est tout petit. Ça veut dire que les fleurs aussi sont toutes petites. Et l'avantage de ça, ça veut dire que je peux mettre mes fleurs d'Arabidopsis sous un microscope et j'ai accès à toutes les échelles. Donc je vois les organes, je vois les tissus et en même temps, je vois les cellules et même des compartiments au sein des cellules, si j'ai envie. Quand on travaille sur une fleur qui est nettement plus grosse, comme par exemple la fleur de tomate, c'est trop gros pour tenir sous un microscope. Donc très rapidement, on a un problème de devoir prendre des images où en fait on prend des petits bouts de la fleur et ensuite on les fusionne tous ensemble pour avoir une reconstruction de la chose. Et tout en continuant, il y a aussi des questions moi qui m'intéressent. Il y a encore pas mal de choses dans le développement des plantes et des fleurs qu'on ne comprend pas parfaitement, et la raison pour laquelle on ne les comprend pas parfaitement, c'est même si on peut les regarder sous le microscope, on n'a pas la résolution de voir certaines choses qu'on a besoin de voir. Et en particulier, si on pense à une hormone végétale, l'auxine fait énormément de choses dans le développement des plantes. Et l'auxine est produite à des parties spécifiques de la plante, mais elle est aussi transportée de cellule en cellule avec des transporteurs qui sont situés sur la membrane des cellules. Et c'est des transporteurs qui font sortir l'auxine de la cellule. Et l'auxine, après ça, peut librement diffuser dans la cellule suivante. Et donc, comprendre exactement où ces transporteurs sont situés dans la membrane des cellules, c'est quelque chose de très important. Mais le problème, c'est que quand on regarde la jonction entre deux cellules, on n'est pas capable de dire de quel côté le transporteur est, s'il est dans une cellule ou dans l'autre, parce que c'est tellement proche jusque-là, on n'avait pas les outils pour être capable de voir exactement où c'était. Mais depuis quelques années, il y a des techniques qui s'appellent super résolution, la microscopie de super résolution qui a été développée, qui permettent de pousser les limites de la résolution. Et maintenant, on a vraiment des outils qui nous permettent de regarder ces choses extrêmement petites et précises qui, à mon avis, vont ouvrir beaucoup de possibilités en termes de développement. Et bien sûr, comme j'aime la microscopie, c'est quelque chose qui m'excite particulièrement. Ouais, j'imagine. Et donc, on va justement... Ouais, vas-y, pardon. Cela dit, donc au lieu de monter mon laboratoire de biologie végétale, je suis le directeur d'un centre de microscopie et en fait, je ne fais plus vraiment ma propre recherche. J'ai encore quelques collaborations sur la fin de mon travail de postdoc, mais ça fait un certain temps que je n'ai pas pris d'images de fleurs au microscope. Et on va en voir encore plus là dans les questions à venir. Et d'ailleurs, je voulais juste mentionner ce que tu viens de dire sur les hormones végétales. Je pense que c'est un sujet qui est très très vaste et on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, si tu veux revenir nous en parler, je pense que ce serait un sujet qui serait intéressant à aborder ici. Et effectivement, on peut imaginer à quel point jouer sur les hormones végétales, tout comme on joue sur les hormones animales d'ailleurs, peut avoir un intérêt très important pour l'évolution et le développement et aussi des plantes et aussi en horticulture. Alors tu nous as parlé de microscopie, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est l'importance de l'observation, qui est toujours vraie en biologie et pour toutes les sciences en général. Et tu nous as aussi beaucoup insisté sur l'importance d'avoir de bons microscopes et de pouvoir avoir une résolution suffisante pour observer les choses. Alors, toi, justement, c'est ton travail actuellement, hein, la microscopie, puisque tu es directeur du corps de microscopie, mais tu as aussi gagné pas mal de prix, on y reviendra juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on image un méristème, justement, de plantes, puisque tu nous en parles, et ça a été quand même des heures et des heures de ta thèse et de post-doc, comment on fait, comment on prépare un échantillon, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pour beaucoup de gens qui ont utilisé des microscopes un peu basiques pendant leur cours de biologie au lycée ou à l'université, ce qu'on associe à un spécimen qu'on regarde sous le microscope, c'est quelque chose qui est très fin, qui est monté entre une lame de verre et une lamelle de verre qui est beaucoup plus fine que la lame. Et en fait, on a notre spécimen, notre objet qui est en sandwich entre cette lame et cette lamelle, et on regarde ce spécimen à travers la lamelle de verre. Le problème qu'on a pas seulement pour les plantes, mais en développement en général, c'est qu'on regarde des objets biologiques qui sont relativement gros. Donc, si on prend un bouton floral, ça tient pas bien entre une lame et une lamelle. Si on le met là-dedans, on va l'écraser. Et la façon dont je regardais en fait ces boutons floraux qui se développent, je regardais très tôt les premiers stades de développement quand ils commencent à se former sur les flancs de la tige. Et pour ça, ce que je faisais, c'est je disséquais le bout de la tige. Donc avec des forceps très fins, je retirais les fleurs âgées ou les fruits qui étaient le long de la tige pour ne garder que ces très jeunes méristèmes floraux sur les côtés du méristème de la tige. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire, hein, sous un stéréomicroscope, un microscope avec deux oculaires qui nous donne une vision 3D de ce qu'on fait, parce qu'on voit pas assez à l'œil nu. Et puis c'est aussi quelque chose qui était il faut avoir des motor skills qui sont très précis. En particulier ça voulait dire que généralement il valait mieux pas boire de café avant de faire ces dissections. Et donc ce qu'on fait une fois qu'on a disséqué ça, on coupe le dernier centimètre de la tige avec juste les très jeunes boutons floraux qui se forment au sommet. Et je la plantais dans une boîte de pétri avec un milieu de culture au fond. Et au moment de mettre ces boutons floraux sur le stage du microscope, je remplissais cette boîte avec de l'eau et j'utilisais un objectif spécial qui est destiné à être immergé. Et c'est comme ça que je regardais ces boutons floraux. Et l'autre intérêt de ça, c'est qu'en fait, comme mes méristèmes sont plantés dans un milieu de culture qui lui produit, l'alimente avec tous les nutriments dont il a besoin, en fait, ces méristèmes sont toujours vivants. Et donc, entre les moments où je prends des images avec le microscope, je peux les remettre dans une chambre de culture et ils vont continuer à pousser. Et donc, en prenant des images plusieurs jours de suite, on peut voir chacun de ces boutons floraux qui se développent, les organes qui se forment, etc. Et c'est quelque chose qui est très important en biologie, parce que bien sûr, en biologie, on étudie la vie, c'est quelque chose qui est fondamentalement dynamique. Et donc, c'est la façon dont on image ces méristèmes. Et donc, tu pouvais suivre les étapes du développement les unes après les autres, effectivement, vu que tu pouvais l'imager jour après jour, puisque tes méristèmes restaient vivants. Alors, sur tes images, on en a mis quelques-unes dans la chatroom. On voit aussi sur tes méristèmes des gènes qui donc soit s'expriment de façon colorée, soit sont marqués de façon colorée. On a déjà expliqué le principe de la microscopie confocale dans d'autres épisodes, mais est-ce que tu peux nous dire, en gros, comment tu faisais ça sous un microscope? Alors oui, pour les couleurs, on utilise de la microscopie à fluorescence. Et en fait, pour ça, la première étape, c'est de rendre les plantes que j'étudie fluorescentes. Et la façon dont je fais ça, c'est en fait, ces plantes sont des organismes génétiquement modifiés, mais qui ne sont pas utilisés pour des fins agronomiques, mais juste pour des fins de recherche. Et en fait, ce que j'essaie de voir, c'est quelles cellules au sein du méristème floral activent un gène spécifique qui est important pour le développement de la fleur. Et donc, quand je m'intéresse à un gène spécifique, ce que je fais, c'est que je clone ce gène, je fais une copie de ce gène, et ensuite, je le fusionne avec un gène qui code une protéine fluorescente qui vient au départ de méduses. Et ensuite, une fois que j'ai cette fusion du gène auquel je m'intéresse et de ce gène qui va rendre ma plante fluorescente, je transforme mes plantes avec ce transgène. Et donc, les cellules qui normalement expriment, activent le gène auquel je m'intéresse, vont aussi activer ce transgène et vont devenir fluorescentes. Et après ça, je regarde ça avec un microscope à fluorescence, mais un microscope confocal. Et ce que le microscope confocal fait de manière simplifiée, c'est que ça utilise un petit pinhole devant le détecteur qui va bloquer la lumière qui est out of focus. Je sais plus parler français. Donc quand on regarde un spécimen qui est gros en fait sous le microscope, le problème c'est qu'on a toujours une partie du spécimen qui a l'air flou. C'est parce que cette partie n'est pas en focus. Et donc pour avoir une belle image, on est obligé de bloquer la lumière qui n'est pas en focus. Et on fait ça avec un microscope confocal. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on génère une série de sections optiques sans avoir besoin de physiquement sectionner notre spécimen. Et ensuite, on peut empiler toutes ces sections optiques pour avoir une reconstruction 3D de notre spécimen. Et donc c'est ça les belles images en 3D que tu montres, en fait c'est une reconstitution de plein de plans optiques nets qui permettent d'avoir ce méristème en 3D et tes très belles images que tu obtiens. Absolument, et on peut vraiment visionner ces spécimens en 3D, et notamment maintenant il y a quelques compagnies de microscopie qui ont développé ça en virtual reality, en réalité virtuelle. Donc on peut mettre ses grosses lunettes et se balader dans cette donnée en 3D de méristème fluoro si on veut. Faire un peu chérie, j'ai rétréci le méristème, et puis chérie, j'ai rétréci les gosses, et se balader dans un méristème, en fait. Et du coup, on a une question d'un auditeur qui nous dit, qui nous demande un peu à quoi correspondent les couleurs sur tes images. Donc ça, on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite, on pourra le mettre sur les notes d'émission. Mais une autre question, c'est jusqu'à combien de couleurs on peut faire pour une image. Tu peux regarder combien de gènes en même temps, en gros. Alors, je vais très, très rapidement répondre à la première question. En fait, les couleurs, ce qu'on voit, c'est des cellules qui activent des gènes spécifiques, et c'est ce qui ressemble à des petites billes. En fait, c'est les noyaux des cellules qui expriment ces gènes. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit, et on peut, si je regarde différents gènes dans la même plante, en fait, je vais utiliser des protéines avec des couleurs de fluorescence différentes. Il y a aussi autre chose qu'on voit, ce qui est souvent rouge ou blanc dans mes images, c'est les parois des cellules végétales que j'ai colorées juste avec un colorant fluorescent. On trempe le méristème dedans et puis ça c'est absorbé par les parois végétales. Le nombre de couleurs, quand on utilise un microscope fluorescence classique, on est limité par des filtres qu'on utilise pour illuminer et collecter la fluorescence de nos spécimens. Typiquement, c'est relativement simple de prendre jusqu'à 4 couleurs. On va, d'habitude, quand on fait 4 couleurs, on essaye d'avoir un bleu, un vert, un rouge, et potentiellement, on peut avoir un phare red. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Rouge lointain. Parce que c'est des couleurs qui sont suffisamment séparées. On peut utiliser des filtres qui permettent de bien séparer les différentes couleurs. Après ça, on a aussi des microscopes avec des détecteurs spectraux qui sont capables de distinguer toutes les différentes longueurs d'onde. Et après ça, ça prend du processing avec un ordinateur pour être capable de bien séparer ces différentes couleurs. Donc, avec ça, techniquement, on peut imaginer un nombre assez élevé de couleurs différentes. Ce qui permet de faire des images qui sont très très belles. Du coup, on a, pour juste comparer à de la microscopie ultra classique, là évidemment on comprend que c'est très compliqué, il y a beaucoup de processing, il y a des lasers, c'est des équipements qui coûtent très très cher avec des optiques de pointe. Mais on a un auditeur qui nous dit, comme de mon temps, ma fille regarde au collège la mitose dans les racines d'oignons. depuis le temps, y a-t-il autre chose qu'on peut regarder d'intéressant avec un microscope de collégien ou non? Tu nous parlais de colorer les parois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec un microscope classique et regarder? Alors, avec un microscope classique, on peut regarder plein de choses différentes. Hein. Le problème avec le microscope classique, c'est qu'on est limité à des échantillons qui sont relativement fins. Sinon, quand on a vraiment des gros échantillons, on n'arrive pas à bien les voir avec un microscope classique parce qu'il y a toute cette lumière qui vient de la partie du spécimen qui n'est pas en focus. Mais on peut toujours faire des sections des choses auxquelles on est intéressé, bien sûr, hein, ou de regarder des choses fines. Il y a tellement de choses qu'on peut regarder. Aller dans une mare en été et collecter un peu d'eau brune et mettre ça avec une goutte d'eau sur une lame avec une lamelle par-dessus et vous allez voir plein de micro-organismes là-dedans. Et partout, il y a des choses qu'on peut observer avec un microscope de base, en fait. Ils sont très jolis aussi. On a d'autres questions d'auditeurs aussi. Parmi vos méthodes de spectroscopie, utilisez-vous la spectroscopie Raman, qui a été popularisée par Perseverance? Alors, je ne fais pas de la spectroscopie, je fais de la microscopie. Donc, c'est pas quand même vraiment la même chose. Et ensuite, j'ai entendu parler de la spectroscopie Raman, mais je dois dire que je ne sais pas vraiment comment ça marche. Voilà, donc c'est quand même différent. Et on a une autre question. La microscopie à l'Institut Pasteur-Curie est au top, avec une microscopie à deux photons, pince optique. Est-ce qu'il y a concurrence, émulation entre ta microscopie et celle de Paris? Alors, tu as aussi un biphoton, je crois. Alors, dans toutes les universités qui ont suffisamment de moyens, il y a quand même des microscopes assez avancés. Effectivement, alors dans le centre de microscopie que je dirige, on a trois microscopes confocaux. J'ai un tout photon, un biphoton, et j'ai un microscope à fluorescence classique. Et j'ai aussi deux systèmes qui sont qui font de la super résolution. Et le but d'un corps de microscopie, c'est bien sûr aussi de rester au top, de ce qui est disponible. Ça veut dire faire des demandes de financement pour obtenir ces microscopes, mais de continuer à obtenir des systèmes qui sont optimaux pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Le problème de ça, encore une fois, c'est que ces systèmes qui sont au top, ça coûte relativement de l'argent. C'est pour ça qu'on a des centres de microscopie aussi, parce que tous les labos ne peuvent pas se permettre d'acheter leur propre microscope, et du coup, les universités font ces centres de microscopie comme ressource pour tous les labos pour pouvoir les utiliser et avoir accès à ces microscopes de pointe. Alors après ça, de la concurrence, pas vraiment. Il y a peut-être des chercheurs à Paris qui font le même type de recherche que certains chercheurs à UCLA. Moi, j'aime plus penser à la recherche comme quelque chose où on peut collaborer plutôt que se tirer dans les pattes, mais ça arrive aussi. Mais en termes de avoir des microscopes, moi, les microscopes que j'ai sont destinés à être utilisés par des utilisateurs de UCLA, ceux de Paris par des utilisateurs de Paris. Après ça, c'est pas vraiment de la concurrence, non. Alors du coup, c'est parfait parce que ça fait une transition avec une question que j'avais pour toi qui est, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de directeur? Tu dis que tu as plein d'utilisateurs, du coup j'imagine que tu te retrouves à imager plein de choses différentes et pas seulement des plantes. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à la disposition de tes utilisateurs pour imager pour eux? Est-ce que tu les aides à imager? Et qu'est-ce que tu images comme différents organismes? Alors oui, mon travail en tant que directeur d'un centre de microscopie, ça, il y a beaucoup de choses différentes. La première, c'est de s'assurer que les microscopes que j'ai restent en état de marche, parce que quand on a beaucoup d'utilisateurs et des systèmes qui sont utilisés à longueur de journée, il y a des pannes, il y a des problèmes, il y a des erreurs d'utilisateurs. Et donc je m'assure que ces systèmes continuent à marcher. Il y a des choses que je peux réparer moi-même, et puis souvent on a aussi un contrat avec la marque à laquelle on a acheté un microscope qui vont venir réparer les problèmes que l'on a. Une autre chose que je fais, c'est de former les utilisateurs à utiliser les microscopes dont ils ont besoin. Donc dans ce cas-là, je leur montre comment ça marche, je leur explique bien, je réponds à leurs questions, mais bien sûr, c'est des systèmes qui sont assez complexes. Donc souvent, ça prend un peu de temps pour que les utilisateurs deviennent confortables avec un système spécifique. Et donc je leur donne des avis, je les aide les premières fois qu'ils sont sur le microscope. Parfois, j'ai aussi des gens qui voudraient regarder quelque avec un microscope, qui ne connaissent rien à la microscopie et qui veulent d'abord voir si ça marche. Donc souvent, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais moi-même regarder, faire des images de leur spécimen avec le microscope pour voir si c'est une option pour eux. Et dans ce cas-là, je peux les former. Et puis, ce que j'essaye de développer, c'est en fait faire de la recherche collaborative avec différents labos qui ont des projets qui impliquent beaucoup de microscopie. Et dans ce cas-là, je fais de la microscopie pour eux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'après, en fait, avoir passé des années de mon postdoc à toujours prendre des images de fleurs et rien que des fleurs, maintenant, j'ai sous mon microscope des spécimens qui sont vraiment différents. Ça peut être du zébrafiche, ça peut être de la drosophile, ça peut être des vers, des nématodes, simplement des cellules animales. Et j'ai eu récemment, et donc c'est des images qui devraient être postées dans la chatroom maintenant, j'ai fait quelques images de cerveau de drosophile, donc de fruit flies. Et on voit donc ces neurones dans certaines parties du cerveau des drosophiles. J'ai aussi pris des images de muscles de drosophiles, notamment les muscles qui sont importants pour que les drosophiles puissent voler. Donc c'est des muscles qui demandent énormément d'énergie. Et on voit dans ces muscles, en fait, ils sont absolument pleins de mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques de la cellule. Et on en a quelques-unes dans toutes les cellules, mais au niveau de ces muscles, il y a des milliers et des milliers de mitochondries qui sont réparties de manière très organisée autour des fibres musculaires. Donc c'est assez fun, en fait, de pouvoir regarder, prendre des images de systèmes biologiques complètement différents de ce que j'ai fait pendant mon postdoc et ma thèse. Oui, et ça montre encore une fois aussi l'importance d'avoir une réelle expertise en microscopie, puisque finalement, ça permet, tu parlais des mitochondries, de regarder leur où elles sont organisées, ce qui est très important, et finalement juste de décrire des phénomènes biologiques complexes qu'on a aucun moyen de voir autrement. Et d'ailleurs, finalement, tu as été tellement spécialiste en microscopie et tes images sont si belles qu'elles ont été en couverture de nombreux journaux scientifiques. Ça aussi, on a des images qu'on peut vous mettre dans la chatroom. Elles ont fait la couverture donc de journaux, d'articles que tu as publiés. Elles font aussi maintenant la couverture du textbook de référence en biologie du développement de Scott Gilbert. Donc, c'est quand même un bel achievement sur lequel beaucoup d'étudiants planchent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé vers la couverture d'un journal, comment ça se passe en fait d'un journal scientifique, quelle est l'image qu'on choisit pour la couverture et comment tu t'es retrouvé sur ce prestigieux livre de biologie du développement? Alors, pour les journaux scientifiques, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on publie un article dans un journal scientifique, on a l'option, on a la possibilité de soumettre des images pour la couverture. Et ces images peuvent être sélectionnées, souvent sont sélectionnées en fonction de critères esthétiques. On aime bien une belle couverture, et c'est comme ça que mes images ont été sélectionnées. Après ça aussi, parfois, le journal veut mettre en valeur un article spécifique, et dans ce cas-là, la couverture ne sera pas forcément sélectionnée sur des aspects spécifiques, mais plus sur sur la recherche en fait qui est présentée dans cet article. Mais c'est toujours quelque chose d'amusant et d'excitant quand on publie un article, de soumettre ces images, et encore plus excitant quand finalement les images sont sélectionnées. Donc c'est ce qui m'est arrivé pour un certain nombre de journaux. Et après ça aussi, en fait, les images de fleurs que j'ai prises au cours de mon postdoc en particulier sont assez connues dans le petit milieu du développement des plantes. Et donc, parfois, on reçoit une requête qui demande « Est-ce que tu aurais une image pour la couverture de ce journal ?» ou pour la couverture de ce livre. Et en particulier, quand j'ai été contacté par Michael Barresi, qui a fait la 12e édition avec Scott Gilbert de Developmental Biology, et qu'il m'a demandé s'il pouvait utiliser une de mes images pour la couverture, j'étais vraiment, vraiment très fier parce que j'ai bossé sur ce bouquin quand j'étais à l'université et que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et l'autre chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, les premières éditions de ce livre de développement biologique, de ce textbook de développement biologique, incluaient les plantes, le développement des plantes. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'éditions où les plantes avaient été retirées. Et pour la première fois depuis des années, en fait, la 12e édition, à nouveau, incorpore le développement des plantes. Et les met à l'honneur sur la couverture, ce qui n'est pas rien, puisque c'est vrai que encore une fois, cette notion chère à Léa, dont on va reparler assez vite, le fait d'être aveugle des plantes, la cécité des plantes, c'est quelque chose qui est malheureusement réel. Et là, finalement, j'imagine que mettre une plante en couverture du bouquin de référence de biologie du développement, ça met l'accent sur l'importance d'aller regarder les plantes en plus de l'animal. On a une question d'un auditeur qui t'as mentionné plusieurs fois que t'étais auteur ou co-auteur, et la question que l'auditeur pose, c'est: est-ce que ça veut dire que t'es co-auteur dans des publis scientifiques, et qui fait le parallèle avec la physique où on a parfois des milliers de co-auteurs. Alors en biologie on a rarement des milliers de co-auteurs, mais j'imagine que les papiers que t'as cités là, t'étais pas forcément toujours premier auteur, t'étais aussi co-auteur, c'est bien ça? Oui, alors j'ai un certain nombre de papiers où je suis premier auteur, où vraiment j'ai produit la majorité de la recherche dans l'article. Mais il y a aussi des collaborations où en fait on travaille avec d'autres groupes, et en fonction de l'importance du travail fourni par rapport aux autres auteurs, c'est ce qui détermine la position, le rang dans les auteurs. Et par exemple... J'ai certains articles où en fait j'ai fait de l'imagerie pour des gens qui n'arrivaient pas à en faire, mais j'ai pas une contribution très importante au final dans l'article, et dans ce cas-là on se retrouve quelque part au milieu de la liste d'auteurs. Je ne suis pas auteur d'aucun papier où il y a des centaines d'auteurs. Ça c'est souvent pour des très gros travaux qui représentent une collaboration avec des dizaines et des dizaines de labos, par exemple le séquençage d'un génome ou ce genre de choses, ça pouvait arriver comme ça. Je pense que mon dernier papier, par contre, effectivement, on doit être une vingtaine d'auteurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui collaboraient sur ce papier. Ce qui est déjà beaucoup en biologie quand même, effectivement, les papiers en général en biologie où il y a beaucoup beaucoup d'auteurs, c'est des papiers de séquençage ou de gros consortiums qui étudient, je sais pas moi... Souvent, c'est du séquençage, c'est vrai. Mais des gros, gros, gros, gros projets financés par plusieurs instituts ou plusieurs pays, etc. En général, on est plutôt entre quelques-uns ou jusqu'à une vingtaine. Alors, maintenant, je voulais parler d'un autre aspect qui est toujours lié à l'imagerie, qui est le sci-art, parce qu'en fait, tu n'es pas seulement connu pour tes couvertures de textbooks, etc., mais tu es aussi connu sur Twitter, Instagram, pour la qualité et la beauté de tes images. Tu as gagné des prix au Nikon Small World, qui est une compétition d'imagerie scientifique. Et donc, tu fais du sci-art. Alors, pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, et est-ce que tu as déjà exposé en sci-art, donc de l'art scientifique? Ah oui, je suis absolument obsédé par le sci-art, donc la jonction entre la science et l'art. Et j'aimerais revenir à quelque chose d'un petit peu plus ancien. Quand on considère en fait la science et l'art, de nos jours il y a une assez forte dichotomie entre les deux, donc on fait de la science ou on fait de l'art. Cela dit, historiquement en fait c'était les mêmes personnes qui faisaient les deux. Et si on considère des gens comme Léonard de Vinci ou Ernst Haeckel, qui a fait des illustrations biologiques absolument extraordinaires, ou encore les Blaschka, qui ont fait ces modèles de vers, de flore ou de micro-organismes qui sont absolument superbes, ces gens-là, c'était des scientifiques et c'était des artistes de manière simultanée, ils allaient deux. Et l'art était utilisé pour la communication scientifique. Mais avec l'avènement de la science moderne, particulièrement au XXe siècle, en fait, cette dichotomie s'est imposée et l'art et la science ont été de plus en plus séparés. Mais néanmoins, certaines sciences gardent une certaine place pour l'art. Et je pense que c'est particulièrement le cas de la biologie. Quand on apprend la biologie, en fait, on observe et on dessine. C'est vraiment une partie intégrante de l'apprentissage de la biologie. Et j'ai pas réalisé ça tout de suite. Mais en fait, c'est une raison fondamentale pour laquelle j'ai étudié la biologie. L'autre, c'était que j'ai toujours aimé être dans la nature, faire pousser des plantes, pêcher, ramasser des champignons, ce genre de choses. Mais vraiment, le fait que la biologie garde une place importante pour l'art, dans la façon dont on apprend la biologie, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué au fait que j'en fasse. Je viens d'une famille d'architectes et d'artistes du côté de mon père, et donc l'art dessiné... peindre, ça a toujours été une partie importante de ce que je faisais quand j'étais enfant. Et j'ai beaucoup aimé pour ça, prendre des cours de biologie et dessiner tout ce que j'observais. Et en fait, quand j'ai décidé de faire de la biologie, j'imaginais qu'en tant que biologiste, en fait, je voyagerais dans des pays lointains, dans la jungle, ou sous la mer pour aller ramasser des échantillons, collecter des échantillons pour ma recherche. Et au final, j'ai pris un mauvais tournant à un certain moment, et je me suis retrouvé dans une salle avec sans fenêtres et sans lumière, avec des microscopes à longueur de journée. Et la raison majeure pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, quand la première fois que j'ai utilisé un microscope confocal pendant un stage de maîtrise, j'ai été absolument fasciné par l'imagerie, non seulement par ce qu'on arrive à voir, ce qui est vraiment, d'un point de vue intellectuel, assez extraordinaire, mais aussi juste par la beauté des images qu'on pouvait générer. Et en fait, pour moi, ce côté artistique qui est très important avec l'imagerie que je fais, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément motivé. Et d'ailleurs, je dois confesser que je passe nettement plus de temps en microscope parfois que je n'en ai besoin pour juste obtenir des images qui vont me donner la réponse à mes questions scientifiques, juste parce que j'essaie d'obtenir ces images qui doivent être particulièrement belles. Et j'ai toujours eu la chance, j'ai fait mon postdoc, de travailler avec des professeurs qui me laissaient faire ça et qui aimaient la qualité de mes images. Ah, tes images sont incroyables. Moi, je dois confesser que mon rêve secret, c'est d'avoir un grand poster imprimé de tes images de microscopie au-dessus de mon bureau. Mais ça, moi, j'en ai un. Ça peut tout à fait arranger. Ah, ouais. Génial. Sinon, donc moi, je suis venu du côté je suis venu dans le sci-art à travers le côté de la recherche. Mais le sci-art, en fait, il y a vraiment un écosystème assez dynamique depuis quelques années pour ce sci-art, que ce soit des artistes dont le travail est inspiré par la science, ou des gens plus que moi, où la science qu'on fait, en fait, produit de belles images. Et donc, là encore, ça peut être un petit peu séparé, mais néanmoins, j'ai aussi fait des collaborations avec des artistes, certaines collaborations assez amusantes. Par exemple, mes images ont été utilisées pour la couverture et le artwork d'un album d'un groupe de rock psychédélique italien. Et puis, il y a 4 ans de ça, il y a eu une exposition d'art botanique à l'Arboretum du comté de Los Angeles. Et c'est vraiment une chouette exposition, et j'ai créé une pièce avec deux artistes dans laquelle, en fait, on superposait mes vidéos de développement des fleurs prises au confocal avec des vidéos nettement plus anciennes prises par un autre microscopiste de cellules qui se divisent, et aussi des time-lapses de fleurs qui s'ouvrent. Et tout ça a été incorporé de manière assez psychédélique, et ça a été projeté sur une serre la nuit, avec en plus de la brume dans la serre. C'était vraiment assez chouette et assez très plaisant d'avoir une collaboration comme ça avec des artistes et de pouvoir utiliser mes images, pas seulement pour un but scientifique, mais aussi pour un but artistique. Alors, on a une question qui est liée aussi un peu à ça. Est-ce que ça vous est arrivé de préparer une observation pour en faire de l'art et que la bonne surprise est que ça a conduit à une découverte? Alors oui, le truc, c'est que comme je passe nettement... Quand je passe tout ce temps à essayer d'obtenir des très belles images, la qualité de ces images parfois permet de voir des choses qu'on ne cherchait pas spécifiquement à voir et qui s'avèrent être utiles pour notre recherche. Ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois. Et c'est toujours bien quand ça arrive, c'est toujours chouette. Il y a quelque chose que je voudrais pointer aussi, c'est que, encore une fois, et ça me brise toujours un petit peu le cœur de dire ça, mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement de belles images de microscopie pour répondre aux questions scientifiques auxquelles on essaie de répondre. Et en particulier, alors les plantes sur lesquelles je travaillais, ça a l'avantage, les plantes, ça aime bien la lumière. Ça fait même de la photosynthèse. Si on donne pas de lumière à une plante, elle est pas contente. Par contre, quand on commence à regarder des cellules animales, ça aime pas du tout la lumière. Et quand on les met sur le microscope, on les illumine avec un laser pour les rendre fluorescentes. Et du coup, souvent, ce qu'on est obligé de faire, particulièrement quand on travaille avec des cellules vivantes, c'est de faire des compromis et de se résigner à avoir une qualité d'image qui est moins bien pour pouvoir garder notre échantillon biologique heureux et continuer à se développer ou à pousser et à se diviser normalement. Et du coup, ces images, on a une question en lien avec ça qui était une question que j'avais aussi. Est-ce que ton sci-art te permet de faire de la vulgarisation aussi? Absolument. Ces images, effectivement, sont un peu catchy. elles sont assez brillantes, les gens se demandent ce que c'est, et c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé pour lancer des conversations scientifiques. Et j'ai fait ça aussi à certains congrès. J'étais volontaire à un congrès pour les professeurs de biologie des États-Unis qui était à Los Angeles il y a quelques années. Et on a utilisé mes images avec d'autres biologistes des plantes pour un peu attirer les gens. Et c'est quelque chose. Ces images sont assez frappantes. Et en fait, c'est une bonne façon d'ouvrir, de lancer des conversations et d'attirer l'intérêt des gens vers la recherche qu'on fait, en fait. Et y compris la recherche fondamentale, d'ailleurs. Absolument. Bon, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, si vous voulez voir plus de ces belles images, n'hésitez pas à aller suivre les comptes de Nathanaël sur Twitter et Instagram. On vous les remettra dans la chatroom et puis sur les notes d'émission aussi, parce que il produit souvent de très, très, très belles images régulièrement. Donc voilà. Et pour finir cette interview, je voudrais qu'on revienne sur ce thème qui est cher à EDEA, qui est la cécité botanique, parce que quand j'ai lu certains de tes papiers, j'ai retrouvé cette idée, notamment un où tu dis, donc je traduis en même temps que je lis la phrase, qu'il y a seulement trois grandes théories en biologie, la théorie de la cellule, la théorie du gène et la théorie de l'évolution. Et deux d'entre elles, la théorie de la cellule et des gènes, trouvent leur origine dans les plantes, quand la troisième a aussi des considérations botaniques. Donc j'imagine que tu es d'accord avec cette idée qu'on a une cécité des plantes en général. Quelle en est la raison à ton avis? Et est-ce que tu penses que ça devrait changer et qu'il faut remettre la lumière sur la recherche en plantes? Alors absolument, il y a une cécité pour les plantes qui est assez majeure, et pourtant les plantes sont absolument partout dans notre environnement, hein. Même en ville, il y a toujours au moins des arbres. Et ces plantes sont aussi extrêmement importantes pour nous. On a parlé de l'importance des plantes pour notre alimentation, bien sûr, mais aussi c'est aussi les plantes qui produisent l'oxygène que l'on respire, qui consomment le dioxyde de carbone qui est une cause majeure du réchauffement climatique, etc. Donc on les utilise comme matériaux. Enfin, c'est à peu près sans fin tout ce qu'on fait avec les plantes et tout ce que les plantes nous apportent. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens en tout cas ne s'intéressent pas aux plantes et ne les voient pas vraiment, en fait. Et effectivement, c'est quelque chose qui devrait changer, j'espère que ça va changer. Et d'ailleurs, j'ai participé à un workshop avec d'autres biologistes végétaux à l'Université de Californie à Davis il y a 2 ans, dont le but c'était de développer le outreach pour la biologie des plantes. Comment on appelle ça, outreach en français, je ne sais plus. Vulgarisation. De la vulgarisation scientifique. Et comment on arrive en fait à intéresser les gens à intéresser les gens aux plantes et à faire venir d'autres jeunes étudiants, les faire venir, les faire considérer en fait une carrière dans la biologie des plantes aussi, en considérant, donc on a considéré toute une série d'aspects différents pour essayer de faire cette vulgarisation et d'intéresser les gens aux plantes. La raison pour laquelle j'ai participé, moi, c'est parce que j'ai utilisé en fait le SciArt pour communiquer sur les plantes avec le public et pas seulement avec la petite communauté scientifique qui s'intéresse à mes travaux. Oui, à 3 jeunes dans un méristème, c'est vrai que c'est marrant d'ailleurs, parce que effectivement l'idée de la botanique, des flores et tout, c'est quelque chose qui, je pense, d'un point de vue amateur est assez développé, et puis on a l'impression qu'il y a un gap en fait entre ces flores, cette botanique que les gens observent un peu dans la nature, et puis ensuite l'investissement qui est mis pour la recherche en plantes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, les plantes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Je crois que c'est ça que tu avais dit, Eléa, il me semble, dans une autre émission. Pour finir sur ces bonnes paroles, merci pour tout ça, c'était vraiment passionnant. Comme tu le sais, on demande toujours à nos invités de venir avec une citation. Donc je vais te laisser lire la citation que tu nous as apportée pour cette émission sur le développement des plantes et la microscopie. Ah oui, alors la citation que j'ai choisie et que je cite d'ailleurs beaucoup, c'est une citation de Richard Feynman, qui était un physicien qui faisait de la physique théorique et qui était aussi qui a obtenu un prix Nobel pour son travail. Et il a dit, je vais le dire en anglais d'abord, « It is very easy to solve many of these biological problems. You just look at the things. » Donc, ce qu'il disait, en fait, c'est très facile de résoudre tous ces problèmes biologiques. Il suffit de regarder le truc. Et alors, bien sûr, j'imagine qu'en tant que physiciste qui faisait de la physique théorique, c'était difficile pour lui de pouvoir observer ce qu'il étudiait. Mais en tant que biologiste, forcément, quand on lit ce genre de truc, la première réaction, c'est de rouler les yeux et parce qu'on sait que, en fait, c'est pas si facile de regarder les problèmes, les phénomènes biologiques qu'on étudie. Néanmoins, je pense que Richard Feynman avait fondamentalement raison dans le fait qu'en fait, quand on fait de la biologie, il y a toujours une bonne raison d'aller regarder le truc qu'on étudie, et que c'est effectivement une manière extrêmement puissante, notamment avec l'imagerie microscopique, d'essayer de résoudre les problèmes, les questions biologiques auxquelles on s'intéresse. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vois Eléa hocher la tête. Moi, j'ai encore une question juste avant qu'on finisse l'émission. Est-ce que tu as une boutique ou un truc où on peut acheter tes images en poster? Alors, non, j'ai pas encore fait ça, mais ça fait un certain temps que je veux m'en occuper. Mais je suis pas très bon pour faire des sites internet et ce genre de trucs. Mais je fais des impressions en fait sur aluminium qui rendent vraiment très très bien. Donc, si ça t'intéresse, je serais heureux de t'en envoyer une. Mais oui. Et y compris des verres à bière aussi qui sont magnifiques. Des sous-verres. Ah bah ça, c'est le must-have du coup. Qui sont très jolis. Donc restez, stay tuned. Je sais même pas comment traduire ça pour avoir peut-être une boutique de magnifiques photos de méristèmes et d'autres choses, de belles images de microscopie. Je pense potentiellement faire ça sur Etsy. Okay. Ouais, ce serait pas mal. Il faut que je me porte là-dessus. On tiendra au courant nos auditeurs si jamais tu ouvres ta boutique Etsy. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Eh bien, je pense qu'on arrive au moment du quiz, hein, Edéa. Oui, alors je rappelle le principe, hein, à peu de questions, on s'interroge régulièrement sur des questions fondamentales de la vie quotidienne. Et du coup, la dernière question qu'on s'est posée, que les auditeurs ont choisie dans notre chatroom, c'est: l'urine est bonne pour la santé, info ou intox? Voilà. Grande question. Nat, je ne sais pas si tu as un avis sur cette question du moment. On y répondra dans le prochain épisode Roue Libre. Absolument pas d'avis, non. D'accord. Si vous voulez nous envoyer des réponses, les auditeurs, vous pouvez nous envoyer un mail à podquestions@gmail.com ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Voilà. Et réponse à la prochaine émission Roue Libre. Et on intégrera vos réponses, bien sûr. Enfin, je dis on. Eléa intégrera vos réponses dans la réponse au quiz de la Roue Libre. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin, hein, de cette belle émission fleurie avec des belles images plein la tête. Merci Nathanaël d'être venu nous décrypter cet aspect de la biologie du développement des plantes qui est trop souvent laissé sur le côté, et de nous avoir fait rêver avec ces belles images et nous avoir donné envie d'en acheter, d'en acquérir pour mettre du sci art sur les murs de nos maisons. Si vous voulez plus de détails sur ce que fait Nathanaël, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le suivre sur ses comptes Twitter Nat Prunet et Instagram Microscopique Farmer pour voir toutes ces belles images régulièrement. À la semaine prochaine, et que servir la science soit votre joie.